arabe da nga defandiko c'est parce que tamit lu sobe dafa lan harama defandiko ñaar yep dañu ñoo motax bobu bu la neex manam sens bi dafa reversible en fait règle la bo xamne dafa reversible moy lan moy ni ngi ko meuna jele ci ne lu haram day waral ak sobe niki nonu mom nga meuna waxe ni lu sobe day waral ak haram ñu def chimie hein xam chimie bu ne la ki bi dafa reversible lolo donc ah sax na lay reversible baam voilà moy legui lolou exemple par exemple kon ci lañu xamé ni buñu haramalé lan dérat lañu xamé dafa lan dafa sobéw biñu haramalé med ñu xamné dafa sobéw buñu haramalé mbam xux wax ma dafa sobé alcorane motax mum leen wax dañ fa innahu rijsum ndax sobé lan da wax né sobé la motax lan ok lolou nak dinañ ko gëna gis inshallah ci hadith bi nga xamantene mom moy buntu bi di ñew amna ben hadith bo ci yenenti bi sallallahu alayhi wasallam di jangale di wax ci walu med na inna allaha wa rasuluhu sallallahu alayhi wasallam yanha yanikum an luhum humur al ahliyat fa innaha ritsu yenenti bi sallallahu alayhi wasallam yalla ak yenenti bi sallallahu alayhi wasallam ñi ngi leen di téré yapu mbam seuf ndax med la fek khaybar la won jour khaybar khex khar kharal gaay rendi ay mbam yi mbam seuf yi moy an rendi ko fess ko dagate ko dess ti sel mi yoy ba diko sa diko togb bi mu deme bay ñor yenenbi sallalahu alayhi wasallam wax ne nañu wote wax abou talha rabbana na wote pour wax ne yalla ak yenenbi sallalahu alayhi wasallam haramal nañu yakum bam sof manam avant haramul won kon daganon na kon labon na gannaaw bi haram na mune sobe la parce que bimu ne leg ndax kat leg sobe la manam moy la moy avant mu koy haramal nekul won sobe mais bagn ko haramale la nek la nek sobe pou gay jour agnou ko han gay jour agnou ko wa en tout cas nekul lool wa te nek ñu fa nan way non be comme togg nañ ko ba paré wala xeddi julli na affaire bi neex na bop ok bo bi paré bu ñu paré après wala ñu do nga xol dedet ci saasi lañ kepp lepp arrête hein sa bi tabata sa me na wa ta na na deg nañ top nañ donc lolu lu mata bayyi xel la nonam ke ni manam règle la bu am solo règle bobu nak daf ci dimbali ci ay question yu bari masala yu bari comme lu demé nek direct ci bopam nga xamné direct sobe la dañu xamné par exemple xolal ki sangara état bi mu nekké sangara dafa haram kon sobe la da nek sobe bu fekkenté na dafa lan dafa soppé ku ba nek vinegar day dadi dagan day dadi kon lan lab ndox suñ ci dugalé sobé ba sobé bi fegn manum soppi tiafka gi wala xet gi wala melo couleur bi wala goût bi wala odeur bi soppé ku parce que lan ndax sobé biñ ci soti ndox momu day daldi lan day daldi sobé wu bu boba day daldi tamit haram légi suma jëlé ndox benen ndox sotti ci ba ndox mi bari légui ba nga xamantene legui bu ma xolé couleur bi ci sobe bi defon dañ na suma ko ñame du am goût sobe bi ba pare xettu sobe bi tamit amatu ci ndoxuma day daal di mu jëlal laat daal di mu jël dagal la fa am melo ya xet bi xakki deug lu haram day wone ni dafa lan sobeu niki nonu lu sobeu day wone ni da haram ci fan la ko xam moy ida bi ñi joxe argument entre borom xam xam yi ñi upp ci ñom ak li zuhri waxul wa rahmatullah alayhi wa moy mafhumu shart ida lu bi ghal ittiham wa naam mafhumu shart jazakallah khairan lool dafa dugg ci mafhumu mukhalafa musul nañ ko traiter largement ci chapitre 5 bi xam nga tay lool tamit lu am solo la moy tay suma waxe ben wax xam nga motax en dehors de artifice yoy sax usul mom hein ak mustalah mustalah al hadith ñaari xet xam xam lañu wax xamne dañuy forger raisonnement wu nit day tax nit ki xalaatam di rafet di bax di meuna regle wu di meuna bax di dox ndax voilà day tax nit ki mus ndax wax jo meuna wax dafa am ñaar volé yu ci am dafa am luñu tuddé al mantuq am luñu tuddé al mafhum mantuq moy li nga wax mu leer nañ mafhum moy li nga xamantene man mako déggé yow ci sa wax yaa ngi rek ku bëgg lek ci bu jëne suba ñewal keur soxna ma da okay man de suba dana fa xey xawma nak yeen heure mais après bon après lool ñu xol ko bon legui tay bu mo waxe lool ku bëgg lek ci bu jëne suba ñewal keur ma loolu tay bu mako waxe lan nga ci deg lan la wax man lan la wax man lima wax lepp moy ku bëgg lek ci bu jël suba na nga ñew kër ma da manam moy so ñewé kër ma da di nga lek ci bu jël suba du lool li la wax kenn mënu ma tek leneen du deug mais sauf que dafa am ci sama biir wax ci lo xamantene yow ya ko ci déggé moy mën nga ci déggé né bo ñewul kër ma da suba do lek ci bu jël lool mën nga ko ci déggé mais ya ko ci dégg mais man waxuma lool moy mafhum wala bok ah ku dem fenen de do fa lek ci wujeul keur ma da dong ko meuna dem lek fa ci wujeul mais fenen fofa dem fofi dem fenen lool yep ya ko meun nañ ko degge ci sama wax mais waxumuko yaangi deg ci bir yoy nak mu am yo xamantene dañ koy bayyi xel mafhum legi mu am luñu tuddé mafhumul muwafaqa ak luñu wax mafhumul mukhalafa c'est là que ci li ngay déggé ci sama wax dafa am ñaari façon bima waxul amna ñaari façon amna bo xamantene day aller dans le même sens que li ma wax man lolou ñu tuddé mafhumul muwafaqa am lo xamantene day aller dans le sens contraire lolou ñu tuddé mafhumul mukhalafa da wax ben affaire wa mo comprendre ci lenen wa mais lui aller dans le même sens lolou ñu tuddé mafhumul mu wa muwafaqa su fekkentene kiwul nak de ko wul bobu lañu tuddé mafhumul mukhalafa comme tay alquran bu ne bune par exemple faman ya'mal misqala dharratin khayran yara ku jëf lu tolok atom ci lu bax dang ko gis ak faman yamal mithqala dharratin sharran yara kep ku jëf waman yamal mithqala dharratin sharran yara ku jëf lu tolok atom ci lu bon tamit ding ko gis lolu lima ci lan moy mantuq bi lan la manam li alquran wax concretement lan la ah dede lolu yow ya ko ci deg mais limu wax concretement dane bo defé lu tolok atom dang ko gis ak bo ci lu bax wala ci lu bon lu tolok atom legui nak man ma comprendre mafhumul muwafaqa moy man ma ci comprendre ni ku def lu upp atom tamit dang ko gis segam atom boko defé dang ko gis lolou moy lu upp atomit ku ko def dang ko gis mais lolou man mako comprendre mais day aller dans le même sens que texte bi lolou moy mafhumul muwafaqa voilà légui nak lolou ci bir yoy ta dafa am yo xamantene ñom ñoy yi ci gëna kawé ci bir mafhumul muwafaqa dafa am luñu wax tanbihul khitab dañ ko wax tamit fawal khitab ci maliki rahmatullah dañ koy wax tamit al khital a qiyasul jali mom la koy mom chafé tuddé rahmatullah moy lan moy lima comprendre mo gëna fort encore moy comme exemple bi moy comme tam exemple bi nga xamné mom la alquran di wax nan wala taqul lahumā uffin sawajuri bu len wax mbass bu len wax mbass moy cham li kon man ci bir lolu lay comprendre ni segam buma len wax mbass manam wala cham genre yoyu nonu lañ may téré limi téki moy dañuy téré dañ may téré aussi ma mbecc len wala ma door len wala han c'est à dire que liñu ma téré han ci la comprendre ni liko gëna fort kon tamit dañ mako lool moy al qiyasul jali mom lañ wax fahwal khitab baax lool mom mafhumul muwafaqa la mais benen xet la legui mu am luñu tuddé mafhumul mukhalafa gi moy biñu wax sank moy dafa wuté ak lool comme tay par exemple suma né hein exemple dem garba non non buul dem garba buma la ko waxe lolou moy lan lan yow lan diti dege wa moy buul dugu train garba rek dama lay téré nga dem fa lolou moy buul jël train mais lolou buul jël train bi lolou lan la ban xétu mafhum la muwafaqa dedet muwafaqa la bul dem garba parce que bala nga jël train parce que gar rek lañu jël train donc suma la téré garba moy téré na la lan nga jël train muwafaqa la mais est-ce que comme mafhum muwafaqa yep la wala bi ci gëna kawé la qiyasul jali moy bu gëna kawé légi mafhumul mukhalafa moy comme tay par exemple suma néla timis mi ngi tambalé yang ko wara julli su jant bi sowé fofu nga ko wara tambalé julli mukhalafa bi moy lan boko julle avant sa julli du wax lool moy mafhum mukhalafa ya ko wara deg yow ya wara xamne voilà tay suma ne la koor moy pour nga wor bi fajar gi xare la ba bagant bi di sox digeunte bobu yep waro ci lek waro ci nan waro ci sey lan lay tekki moy lo ci def ci lan ci yoy ci bir sa koor yaq da nga ci digge tamen ne avant periode bobu yoy yep dagan du yaq goor ya ko ci yoy ya koy comprendre lolou mafhumul mukhalafa mafhumul mukhalafa nak dafa am ay xet am ci xet bo xamne mom lañu tuddé mafhumul shart shart moy condition waaw suma ne la guro gi dox bo genné dox koku sollu xonku lol lan la condition la condition bima la manam condition yi pour nga meun ko joxe comme yenn famille bi def ñu dem ci serigne bi pour ñu ki seen jëkëri gën leena bëgg ñu dal leen di jox guro gi ne jox ko ko sollu xonku bo lol moy so noyé bok bo jox ko ko sol lu bokku deug xox moy yow ay ñatt ah parce que condition yi ni teureul ni condition yi la yow yoyu nga anul nga remplir lolé ma fu mu chat moy condition yi xolal fi ci suñu hadith bi imam az-zuhri rahmahullah mom dafa japp ne der buñ ko wulé ak buñ ko wulé wul yépp dagan na jëfëndiko laap nañ alors que yenenbi sallalahu alayhi wasallam le fait que mo né buñu wulé der bi idha dubi khal ihab buñu wulé der bi faqat tahura day daali laap mo lay won na lam moy wulli bi daf ci am importance moy mafhumu shart la lolu moy suñ ko wulli wul du lan du la day dess ci sobe wom bi ndax mid la lolu ma fu mu shart hmm donc der bi buñ ko wulli wul du la wa mu la fokk ñu wulli ko wulli wa ndax ay yenen ci sa sam dañu buñu wulle der bi ci lay la be non ma fumu sat moy deg bima deg ci wax ju fek dañ dafa am condition buñ ko tek xet la ci xetu ma fumu mukhalafa voilà xet la ci amna ben yakarna ci 5 bi la hadith 5 ci lañ traité won mafahim yeb yi ci aji won bo wax ne mafhumul mukhalafa dafa am yu deugarul bi ci bi ci gëna ñak deugar moy mafhumul ghalib mafhumul ghalib mom deugarul moy suma waxe ben wax bo xam tane da fekk ne dama ñer général lool mbir mi non lay démé motax comme alquran fim nan wala tukrihu fatayatukum ala albighaa in aradna tahassana litabtahu arad alhayat ad-dunya seen xali yu jigen ñi bu len len di forcer pour ñuy dem di jaay seen bop su fekente ne ñoom dañoo bëgg la dañoo bëgg préserver wu yeen ngeen diko def rek ngir wut ci alalu aduna lolu tay teki wul ne ko xale bu jigen bi mom su bëggul préserver wu mën nga ko forcer mu dem jaay bopam teki wul lolu lan motax parce que mafhumul ghalib la manam parce que de manière générale alcorane dafa waxé ci no xamné de manière générale mbir mi nonu lay démé moy lan moy souvent jigéen ñi duñu bëgg di lan di jaay seen bop de leur propre gré lool mom motax mu waxé ko non lool moy mafhumul ghalib hein mafahimi am solo am lañ solo ak mafhumul adad nak amna doole mais amul doole comme yenen mafahim moy lim bobu gissone nango wa ci dedet gissuñu ko ci fofu de du chapitre 5 bi de am fa lañ ko gissone moy hadith non du hadith 5 bi ci hadith ñepp hadith yi teggu ci hadith bu jëk bi moy idha balagha al ma'u qullatayn faqat lam yahmil khabas wa wala lam yanjus fofu la ibu ibn umar radiyallahu anhu okay kat bi wa bobu la won mafhumul adad moy lol moy lo xamantene dama ko teunk ci ben nombre lol nak day am doole leg du am doole mais bon ala kulli hal kon mafhum mukhalafa yakana de comprendre nak lan lay tek han lan moy lol lan lay tek mafhum mukhalafa voilà lima wax nga dégué ci sens contraire han buñé wa sal ba kan mo ko tud abdou aziz man moy ko sol chemise bu bleu lolou mom boko waxé né xamné bo ñëwé gis mo man lay xamné ki du abdou aziz ndax na la comprendre ba fu mu mukhalafa la mam yoy sa dans la vie de tous les jours dañ koy jëfëndiko mais nak ci texte yi tamit dañ yi gëna am rigueur ci ni ñu koy jëfëndiko ci texte alcorane yi hadith wala ñu ma fuu ma xalaf dañu ni ci en mathématique amna probabilité ñu ñu avènement contraire quoi xol lu ko fay ma ko ñu au plus tirage cimetière yi ko au plus ak au moins am nga diggé contraire avènement contraire bi lay jox jaaru lu ngi wax ni pass en probabilité je sais pas en tout cas un moins faire la comme deng legui amna benen moy zikru afrad al umum la yukhassasu bobu la faté zikru ba'd afrad al umum la yukhassasu ko ak tam benen règle usul la am solo la ilaha illa allah moy tuddu gi may tuddu batay ci am ak khas la zikru tuddu gi ñuy tuddu baad lenn ci afrad al umum ben ci lu general moy lan moy les éléments de l'ensemble moy le fait que may tuddu ben élément ci lenn élément ci ensemble bi la yu xassu du ko particulariser manam le simple fait que mu tuddu ben élément ci ensemble comme fi ni neb le fait que yeen tout ensemble tuddu neb tekki wul ne lenen lulul neb du ko meuna def yaangi de lol la zikru ba'd afrad al umum la yakhassuhum ak adam zikri laysa dhikru adam lolou amna lolou duñ ci ki exemple bima ci sama xel xom tay buma ne señ drame dama bëggon nga set ci ma suba señ drame dal ni waaw xam nga soxna ayda dama ko waru yobbu ene et puis soxna ci sax ci bopam mom il faut que xam nga il faut ñu and faté mom suba du disponible légui nak mu am élément bo xamné waxumako moy mom bëgguta ñew élément bo mom waxumako mais yi mu jotta wax rek mom doyna ko mom hein té pour ça waxul sax liko taxa deug liko taxa ba ñew mais dama wut rek ay lay voilà ay élément lool mo zikru ba'd afrad al umum la yakhassu tud non dede du lool wa bon lool day dug mais zikru adam laysa adam zikri hein wala bok adam zikri wa kay adam zikri laysa zikru adam moy la adam zikri moy ñak tuddu laysa tekkiwul ne zikru dañu tuddu al adam ñak gi mam le fait que ma baña tuddu ben affaire tekkiwul ne dama ni lolu amul deureut comprendre le fait que fay element yi nga mo wax ni nema yoyo tax ñu ruisseau invitation bi le fait que nga baña tuddu element principal bi tekkiwul ne element principal bobu existé wul waaw mën na baña exister comme mën na exister bobu xawna jégué wu ak bi mé duñ ben lool dinañ ci ñëw inshallah ci yeneeni hadith mais OK mais dal fi hein moy la OK zikru ba'd afrad al umum la yakhassu suma tuddé élément comme fini neb bi mu tudd rek tekki wul né dafa particulariser mbir yi de manière générale tekki wul ne tout le temps neb kesse la war doon hein voilà exactement exactement lol la moy zikru ba'd afrad al-umum la voilà na tandarma orfu hein yoyu rek du yoyu rek lañu genné mourum koor mais daf ko tuddu fekk mën nañu genné mourum koor ci yenen lepp luñuy dundé ci dëkk bi hmm voilà yoy la manam zikru ba'd afrad wa mamul ay khass moy comme tamit gisoon nañ ko tamit ci ban hadith amna luñ ci gis